بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما أخذنا في الدرس الماضي النسخ التذكير تعريف النسخ ورفع دليل شرعي يعني رفع دليل شرعي أو لفظه من الكتاب والسنة، c'est-à-dire que tu abroges un dalil sans hukm, on va dire, ou sans lafz, ou alors les deux. قد يكون من الاثنين كما نبيك ما الأشياء التي تمتنع نسخه les choses ne sont pas possible de t'abroger الأخبار نعم وما هي أقسم النسخ باعتبار النص نعم صراحة اللفظ ما نسخ لفظه دون حكمه هو حكمه دون لفظه أو نسخ الاثنان وكذلك باعتبار الناسخ في كل الشوز كي تنسخ ولا الشوز كي sont mansoukha, du moins dans lequel le nasr il agit. Nasr le kitab, le kitab. Sunna le kitab. Nasr le sunna, le kitab. Le kitab le sunna. Kitab le sunna. Sunna le sunna. Sunna le sunna. Ma khilaf fi nasr le kitab le sunna. Aya un khilaf. Wa hal al qiyas wa al ijma' yansakhan. Est-ce que demain un qiyas peut arriver, faire un nosr d'un texte du kitab ou de la sunna? Un qiyas ou un ijma? Là. Là. Non. Là, il y a un qui nous a dit. Taïb. Il y a un choukhra qui nous a dit. Alors, on trouve l'akhbar. L'akhbar. L'akhbar, c'est le jambe de khabar. C'est plus khabar qu'on apprend au kalam. Mais t'ahammal le sidq ou t'akzib. C'est plus le même khabar. Alors, chez Akhar, ta'arif ou le khabar, l'oraten, un naba. Yani comme une nouvelle. Amma yatasa aloun. Amma yatasa aloun. An il nabay l'azim. An l'azim fi mukhtadifun. Yani le khabar l'azim. Mima sayati yom al-qiyama. Ce qui va arriver le jour dernier. Wal muradu huna. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير أو وصف وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول فلك ce qu'on veut par là ce qui a été attribué au prophète صلى الله عليه وسلم comme parole comme acte ou comme approbation ou comme description أما أفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع donc ces actes sont différentes catégories الأول ما فعله بمقتضى الجبلة. Première catégorie, ce qu'il a fait. جبلة, c'est ce qui est lié à le tempérament naturel. Chose qui revient à la nature de la personne. Quel akl, shorb, naum, d'accord ? Comme la façon de manger, de boire, le sommeil. Ça, لا حكم له في ذاته. Ça n'a pas de jugement en soi. Ça n'a pas de jugement en soi. Lakin, kad yakun ma'mouran bihi, ou man hiyan anhu, li sabab. Par la suite, il se peut que ça devienne obligatoire ou être interdit pour une cause. Comme, mathalan, le fait de manger d'une façon particulière, qui est de manger avec la main droite. Hein? Ça, c'était rendu obligatoire. Qu'est-ce qui était interdit, le contraire, de manger avec la main gauche? Ah, là. Donc là, c'est premier. Ma yata'alouk bil jibillah. Al-thani, ma fa'alahu. Ma fa'alahu bi hasb a'ada. Par rapport aux coutumes. Les actes qui sont liés par rapport aux coutumes. Ka sifat al-libas. Fa mubah fi had dhatihi. Wa qad yakun ma'mouran bihi. Ou manhiyan anhu. Li sababin. Ce qu'il a fait par rapport aux coutumes, comme par exemple les coutumes des Arabes, comme la façon de s'habiller là-bas, c'est que cela est permis en soi. D'accord ? Mais après, ça peut être rendu obligatoire ou ça peut être rendu interdit. Salane rendu obligatoire, la salane, s'habiller, ni ce sac, le vêtement, ni mollet. Ça, c'est obligatoire. Et manhiyan anhu, la salane, mettre des vêtements de femme ou mettre de la soie ou le tchaboub du koufar. Mais à la base, dans le libas, c'est l'osma wa al-ibaha. Tant que tu n'as pas un interdit. Al-thalith, ma fa'alahu ala wajj al-khususiyya fayakun mukhtassan bihi kal wisal fi as-sawm wa an-nikah bil-hiba. C'est les choses qu'il a fait qui lui sont spécifiques à lui. Les choses qu'il a fait lui étant propre à lui. Comme Mathalène, le fait de pouvoir jeûner en continu. Ou le fait de se marier par une femme qui s'offre à lui. C'était grosse pour lui. Ou Mathalène, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il s'est marié avec plus de 4 femmes. Ça lui était propre à lui. Quand même. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas de jugement par rapport à nous. On n'a pas à le faire, ça. Même si c'est interdit. Donc, ce qui est le khususiyya, ce qui est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne peut être établi qu'avec un dalil. C'est-à-dire, s'il fait une chose, on dit ça, c'était propre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu aies un dalil. L'imadha, elle aswa, et assi bihi. Comme a qu'a l'Azza wa Jal, et qu'a d'ekana lakum fi rasulillah ufutun hasana. Là-bas, c'est quoi? C'est qu'on doit faire comme lui. Il est là pour nous montrer comment faire. Donc, pour qu'on dise, non, cette chose-là, on ne la fait pas car elle lui est propre, il faut qu'on ait un dalil. Même ta'ala. طيب رابع ما فعله تعبدا ce qu'il a fait par acte d'adoration فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال donc maintenant les choses qu'il a fait طيب en cause de nafila et cela par rapport à lui c'était obligatoire de le faire pour nous montrer. D'accord ? Car c'est une chose qui était obligatoire de démontrer à sa umma. Ensuite, une fois que l'acte nous est parvenu, ça devient alors mustahab pour lui et mustahab pour nous de le faire. Et les choses qu'il fait ta'aboudan, ça prouve que ces choses-là sont légiférées. Donc, nul n'est blâmé pour le délaissement. Et par contre, il est récompensé pour l'appliquer. C'est le jugement de quoi, ça ? Mandoub, mustahab. Misal zalika, hadith Aisha, Ana sou'ilat bi ayi shay kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yabda'u idha dakhala baytahu, qalat bi siwak. Fa laysa fi siwak 'inda dukhul al-bayt illa mujarrad al-fi'l, fa yakun mandouban. Que Aisha fut interrogée, quelle était la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en rentrant chez lui? Elle disait, il se frottait avec le siwak. Donc, le fait d'utiliser le siwak en rentrant à la maison n'est qu'un acte qui est recommandé. Mais lui, il est obligé de le faire pour nous montrer comment faire un acte mustahab. Une fois que c'était parvenu, c'est devenu mustahab pour lui. Mais avant, c'était wajib pour lui. Pourquoi? Pour le tablir. Un misal après, on passe. Al-Khamis, ma fa'alahu biyanan mujmal min nusus al-kitab aw as-sunnah. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Une chose qu'il a fait en guise de clarification, une chose qui est imprécise, qui est vague, un mujmel, comme on l'a appris auparavant, d'un texte du kitab de la sunna. Donc cela également, c'est obligatoire de le faire, jusqu'à ce que cela nous parvienne. Après le jugement de cet acte qu'il a fait, ça devient ou wajib, pour lui ou pour nous, ou mustahab pour lui ou pour nous, ça dépend du fi'al. Ça dépend du fi'al. Misal al-wajib, exemple d'une chose qui est devenue obligatoire. Af'al al-salah al-wajiba allati fa'alaha al-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayanan li mujmal qawlillahi ta'ala wa aqimu as-salah. Donc une chose obligatoire, مثلاً, les actes de la salat. Les actes de la salat qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, la salat obligatoire, pour nous montrer l'éclaircissement sur un mujmel. C'est quoi le mujmel qu'il y a eu? Waqim us-salat. Et il a accompli la salat. Est-ce que vous savez comment on l'a fait? On ne savait pas. Qui est-ce qui nous l'a montré? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Misal al-mandoub, exemple de chose recommandée. Salatuhu sallallahu alayhi wa sallam, rakatayn khalf al-maqam, ba'dan fada'a min al-tawaf. بَيَّنَا لِقَوْلِهِ تَعَلَى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى. Exemple d'une chose recommandée, la salat, les deux rakats qu'il a fait derrière le maqam d'Ibrahim, après qu'il ait fini de faire le tawaf. Et cela pour éclaircir la parole d'Allah et prenez place dans la station d'Ibrahim, comme Musalla. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a fait cela en récitant ce verset. Et cela est une sunna. Ou un exemple de takrir, une chose qu'il a approuvé. فَوَا دَلِيلَ لَجَوَازِهِ عَلَى وَجِ الَّذِي أَقَرَّهُ كَوْنًا كَنَا وَفِعْلًا. Son approbation démontre la permission de cet acte. Soit il approuve cela, que ce soit un acte ou une parole. Un exemple du Qawl, il a agréé la parole de la Jariya lorsqu'il a dit « Aynallah, maza qalat, fissana ». Il a agréé. Et un exemple d'iqrar du fi'l de cet homme qui faisait salat dans la saliyya, qui disait à chaque rakat « Qul huwa Allahu ahad ». Donc les sahaba sont partis en informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lui à chaque fois il fait ceci et cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué, lui a dit « Pourquoi tu fais cela ?» Il dit « Fainu uhibbuha liyannaha sifat ar-Rahman. Fainu uhibbuha nakra'aha. » Après il a dit « Fa'akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. » Allah aime cet homme-là. Maintenant, tanbih, cette approbation n'inclut pas que ce soit une sunna mustahab de faire cela. C'est juste qu'il a dit que c'était permis ce qu'il a fait. Maintenant, on ne va pas dire que ce takrir yadullu ala annahu sunna an takra qul huwa Allahu ahad fi kulli raka'at. Non. C'est quoi le dalil de cela? C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait et en dehors de cet homme-là, personne ne l'a fait non plus. C'est juste que lui, il a fait. Le Nabi sallam l'a dit, ça t'est permis de le faire. Si toi tu le fais demain, on va rien te dire. Il ne faut pas dire que c'est une sunnah. Parce que le Nabi sallam l'a approuvé. Il a approuvé des choses sans pour autant en faire une sunnah. Mais pour dire que c'est permis ce que tu as fait. Non. Une chose qu'il a approuvé également, lorsque les Habasha, avaient un exemple, ils ont joué dans le masjid. Yom al-Eid. Aïcha l'a regardé. Et cela pourquoi min ajli et ta'lif à l'islam, pour que les cœurs soient accrochés à l'islam par la suite. Par contre, les choses qui ont eu lieu alors qu'il était vivant, mais qu'il n'a pas su, d'accord, qu'il n'a pas su, on ne peut pas dire qu'elles lui soient attribuées. Cependant, ces choses-là seront rendues permises ou interdites بِإِقْرَارِ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Car il n'y a pas une chose qui se faisait et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant sans que Allah le démontre. Par exemple, comme les affaires des munafiqin. En fait, sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qu'il faisait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui informait. Donc il y a des choses qui étaient interdites que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant et c'est Allah alors qui venait avec le wahi pour démontrer que cette chose-là se faisait et n'est pas permise. Ou qu'elle était permise. Mais Falen, les Sahaba, se servent de cela, comme dans le hadith de Jabir, quand on allait kunan na'zal, ou le Coran yanzil. On faisait le azl, alors que le Coran descendait. Le azl, c'est le fait d'avoir d'éjaculer à l'extérieur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas cela. Donc ils ont dit, comme nous on faisait cela, et que le Coran n'a rien révélé de montrer l'interdiction, cela nous démontre que cela était approuvé. Donc lorsque les gens faisaient un acte, et qu'il n'y avait pas de wahi qui venait pour démontrer que cela était interdit, ça va démontrer la permission. Et maintenant, c'est pour que tu fasses une chose et que le wahi vienne pour confirmer que cela est une bonne chose. Ça devient quoi maintenant? Un mustahab. Le az, c'est une chose qui est permise, c'est tout. C'est pas mustahab. شرطين بوكس المكروه. فقال ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Parmi les choses qui démontrent la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était dit qu'il était parmi les plus généreux des hommes. Ou plutôt, il était le plus généreux des hommes. Et maintenant, des choses qui démontrent son descriptif par rapport à sa morphologie, à sa personne, son apparence, qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, rabat min rijal laysa bitawil wa la biqasir. Il était de taille moyenne, ni grand, ni petit. ثم سيذكر الآن أشياء يتتعلق بماذا؟ بعلم المصطلح. Il explique les apprises dans Al-Baykouniya. بالأباب من باب يعني المراجعة on les cite comme ça. Et pourquoi les usuliyoun ou pourquoi les ulama comme Cheikh Al-Uthaymeen citent ces choses-là? Car en fait usul al-fiqh c'est une forme de majmour nil-funun. Ça prend un peu de là, un peu de là, un peu de là. T'as vu, on a pris du nahou, de la langue arabe, même de la aqida, différentes choses, du fiqh, et il y a aussi du mustalah qui est pris dedans. Donc, et d'autre part, pour démontrer que les usuliyoun, des fois, ils ont des kawa'id qui leur sont propres, s'opposant aux kawa'id des gens d'un fun. Par exemple, eux, dans le mustalah, dans ce qui est ta'alak bi'im al-hadith, ils auront des règles pour que les gens arrivent à distinguer. Pourquoi il y a une contradiction entre eux? Shiratel, Shiratel. Parce que Shiratel, là, il parle avec le moustalaire des Usuliyin. Dans l'ilm des Usul. Et Shiratel, lui, parle avec le moustalaire du ilm al-hadith. Ce ne sont pas les mêmes. Fahim ta'ada, ce ne sont pas les mêmes. Il y a des concordances, bon, dans beaucoup de choses, et des fois, les Usuliyin viennent avec des choses qui sont différentes. فقال ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف اليه الى ثلاثه اقسام مرفوع وموقوف ومقطوع فالمرفوع سي كوا المرفوع ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا زيد دو قيد حقيقه او حكما سي با حقيقه دي شوز كي لا في ريالمون اي حكما دي شوز كو لي صحابه رابورت مي كي نو بروفينير كو دو لوي هذا حكما مثلا ككل الصحابي امرنا نتودوني دي فارتيل شوز ونهينا انتدي دي فارتيل شوز او دي شوز ليي ا لانفيزيبل فهمت ايوه دي شوز ليي او او شوز دو الاخره كي نو بوفت ايت لو فو دان اجتهاد فورسيمون كي بروفين دون ريفيلاسيون دي شوز كي فيين ريكومبونس تيل اكت سو كي في تيل اكت لا تيل ريكومبونس تو سا سا يقال انه مرفوع حكما سي لو صحابي لو دي. C'est une chose qu'il n'aura pas pu avoir remonté de sa tête. Ni avoir fait un ijtihad. Ce qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre sahabi qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le mawquf, c'est quoi? Mawdifa, il est sahabi. Sahabi. Quand même, ce qui a été attribué au sahabi. Et des fois, ça peut être nisbi. Tu peux dire, هذا الأثار موقوف على مثلا سعيد بن مسيب. Si tu fais un taqiyid qui conditionne, il se peut que tu dises mawquf en citant un tabiri. C'est possible. Mais si tu dis mawquf comme ça, tu as dit « هذا الأثر حكمه الوقف » ça veut dire que là, c'est un cours de sahabi. Et là, il cite le, par rapport au cours du sahabi, est-ce que c'est une hujja ou pas ?« قال وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول sahabi آخر » فإن خالف النص أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ براجح منهما. Donc il dit que la base de قول du sahabi c'est un argument en réalité avec des conditions qui ne s'opposent pas à un texte du Nabi. Si il s'oppose à un texte, on prend le texte. Ou alors qu'il n'y ait pas un autre sahabi qui s'y oppose. كذلك. Et on dit cela en disant que le sahabi s'il dit un قول à la base c'est qu'il est pris du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'ijtihad du sahabi c'est pas une hujja. L'ijtihad de sahabi, ce n'est pas une hujja. Wa man sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tayyib mu'minan bihi wa mata 'ala al-iman wa intakhallala bi riddah. Fima ba'd, celui qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera ce qu'une fois. On ne dit pas man ra'a, qui explique qu'il était un aveugle, il ne l'a pas vu. Ne serait-ce qu'une fois, qui a cru en lui, c'est-à-dire quand il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était mu'min, et après il est mort sur l'Yémen. Même si entre-temps il a fait une ridda. Par exemple, il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant muslim. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Après ce sahabi a fait une ridda. Et après il est revenu, comme si ce fut le cas de Qais ibn al-Ash'as. D'ailleurs, Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a marié à sa sœur après. Donc il a apostasié, mais après il a fait Toba et revient. Il y a encore Ali, Hukm al-Sahabi. وفضل الصحبة وفضل الصحبة المقطوع سكوا المقطوع موظفة موظفة إلى تابعي نعم فمن بعضهم المقطوع سكي يتأتريبي أو تابعي سكي التابعي سيلا دوزيام سيكل خمس سيكل سلو دي صحابة دوزيام سلو دي تابعين وثوزيام سلو دي أتباع تابعين وذكر وتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا برسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. Et il est mort dessus, sur l'Yémen. Donc ça, ce sont les formes de Akhbar, Marfour, ce qui revient au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tu retrouves dans le Mustalah, dans le Bekouniyar et le Zalikam et le Kutub, fait ilm al-Hadith. Le Mawquf, ce qui est attribué au Sahabi, ou le Maqtour, ce qui est attribué au Tabi'i. ثم قال أقسم الخبر باعتبار طرقي. Catégorie de khabar par rapport à leur voix. Il dit qu'ils sont divisés en deux. Et là, ce taqsim, en réalité, azaja bihi al-bida'. Lakin, ma'azal ahlul ilmi ala al-amal bi, lakin la wajj akhar. Le taqsim du khabar, il est mutawatir wa ahad. Les ulama continuent aujourd'hui à l'employer, mais pas comme l'ont voulu les gens de la bid'a qui l'ont, eux, instauré. Ils ont voulu quoi? Par Yannil, t'as le mutawatir, et là on va le dire, inshallah. Mutawatir, en premier lieu, ma rawahu jama'atun kathirun yastahilu fi adati yatawata'u ala al-kazib wasnaduhu ilishin mahsous. Donc ce qu'on appelle le mutawatir, c'est une chose qui a été apportée par un grand nombre de personnes, qu'il est impossible qu'ils puissent qu'ils aient pu se réunir sur un mensonge. Et cette chose-là, elle a été attribuée à une chose constatée. Pas une chose inventée. Une chose qui était constatée. Mathalen, tu as des choses chez les chrétiens qui s'attribuent à Isa, c'est Tawatir. Mais c'est pas Marsos. Des choses qui ont été inventées, qui parlent comme ça. C'est pas tout Tawatir qui est accepté. Il l'a bien dit. Asnaduhu ilishin Marsos. Une chose qui était constatée. C'est-à-dire par les sens. Vu, entendu, toucher, c'est un objet, ou sentir, c'est une odeur, une chose qui a été constatée. Pas une simple légende ou un mythe ou je ne sais quoi. Par exemple, je ne sais pas moi, des choses chez les gens, parce que même le tawatir, dans les akhbars de Dunyawiyya, des koufars, on accepte. Les choses qui se passent dans le monde, des akhbars, c'est mon tawatira, selon ces chourouts-là, cité-là, même venant des koufars, on accepte. Demande, on te dit, il s'est passé tel événement dans tel pays à l'autre bout du monde, c'est disons les informations, et qu'il y a des témoignages et plein de choses, t'acceptes, tu crois. Mais non, on te dit pas, tu crois forcément comme c'était dit, mais dis pas, tu dis le os, j'y crois. On te dit, il y a eu un tremblement de terre tel pays. Kaza. Misaluhu, qu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kazaba alayya muta'amidan, fil tabawa maqadou min an-nar. Son exemple, qui est Mutawatir, qui a été apporté par plusieurs sahabis, dont Ali, dont Abu Huraira, dont Anas, dont Al-Mughira, Ghayr Zalika, qui a dit, celui qui mentionne moi volontairement, qui prépare sa place au feu. Donc, c'est le premier, c'est Mutawatir. D'accord? Wa thani al-ahad. Ma wa al-ahad, ma sawa al-mutawatir. Ce qui est en dessous du Mutawatir, qui est de moindre nombre, c'est-à-dire apporté par un nombre, yani minime. Donc là, pour revenir au tanbih, ça, ce sont les Mu'tazila qui ont placé ça, ce taqsim, tawatur et ahad. Pourquoi? Pour rejeter les ahadiths qui sont liés à la aqida ou asma ou sifat. Pour eux, ils disent que si jamais ce hadith, il vient le ahad, la yufidu ilman, ou innama yufidu dhannan. C'est pas de la science, c'est juste une autre chose qui est probable. Et ça, c'est un khalaf, l'akhidat des gens de la sunnah. Le hadith, qu'il soit mutawatir ou ahad, s'il est thabit, sahih, naqbalu ou na'mal bih. Wujuban. Et eux, ils ont voulu rejeter par là les hadiths qui sont liés à l'akhidat. Ils disent, mathalan, si un sahabi vient et dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith d'Abu Huraira, ça serait le mutawatir. Mais des hadiths sont venus, sont des choses liées au asma, ils disent ça, c'est venu par ce sahabi, on ne comprend pas. Parce qu'ils disent, il se peut qu'il s'est trompé, qu'il est confondu. Alors que Tawatur, ils disent, trop de gens parlent, on ne peut pas rejeter. Mais Ahad, il se peut qu'il soit trompé, qu'il est confondu. Alors que les Sahaba, kulum udul. Adi qa'ida, le hadith. Les Sahaba, c'est tous des udul. Bon, As-Sahabi, avec un seul hadith, on accepte. Si, idha sabata sanado, on accepte. Ama eux, aujourd'hui, quand on te cite cela, ce n'est pas dans ce wajh-là. Juste pour dire que c'est un hadith qui est très répandu et que beaucoup de sahaba ont rapporté, et ça c'est un seul, c'est tout. Ama comme ils l'ont voulu, abadan. Mais ils ont réfuté. Et ce zone-là de hadith, ahad ou mutawatir, comme je l'ai cité là, c'est une akida des gens de la bid'a. Les gens de la sunna ne font pas. C'est d'ailleurs, Bukhari, il a fait un bab kamil, raddan ala haoula. Raddan ala haoula. El amal bil hadith al ahad. Après ce khabar, comme qala, min haythu rutbah huwa ala thalathati aqsam. Il est de trois catégories, ce khabar. Sahih, hasan ou da'if. C'est quoi le sahih? Tazkur shurut sahih? C'est quoi les cinq shurut? Ittisal sanad. Sanad muttasil, attaché. Adalat al-rawi. Et adalat ikada et quoi d'autre? Et zopt, les précis et fiables. Et kazalik, t'as pas fini. Le rawi, il est fiable et zopt, mais il l'a pris de qui? D'un fiable, zopt comme lui. Qu'il a pris d'un fiable, zopt comme lui. C'est-à-dire la chaîne de Rijel, c'est tous des houdoul, asab et zopt. C'est pas seulement un rawi dans la chaîne. Ils doivent tous être comme ça. Dans la chaîne, tous les rapporteurs sont des Sika, comme on dit. Même, parce que c'est un raoui, toi. Donc, on pourrait croire qu'un seul dans la chaîne, c'est que le hadith, il est sahih. Il faut dire tous les rapporteurs. C'est-à-dire que, Marawa, un zabit, un mislihi, qui rapporte d'un, qui est précis et fiable comme lui. Et celui-là est précis et fiable comme lui, qui l'a pris de son cher, qui est comme lui jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le sahabi, lui, en dedans, le mab'aoula. Naam, et t'as dit quoi, cite. Non, il n'y a pas de illa, il n'y a pas de chouzouf. Ça, c'est ce qu'il appelle ça une marginalité. Et l'illa, c'est une défaillance dans le hadith, dans la chaîne. Et là, c'est quelle illa? La qadiha. T'as dit illa, elles ne sont pas qadiha. C'est-à-dire qu'elle apporte une défaillance, justement. Des fois, t'as une illa dans le hadith, parce que quelqu'un, il a confondu un rawi sika avec un autre rawi sika. Est-ce que le hadith, il va être daif pour autant? Non. C'est pas qadiha, c'est juste une erreur dans le sanad. Il a dit tel rawi, c'était un autre en fait. Mais les deux, c'est des sikah. Donc le hadith, il reste sahih. Mais demain, on a confondu un sikah avec un zaif. Là, c'est qadiha. Là, ça fait quoi? Ça porte atteinte à la chaîne de narration. Naam. Et le hassan, c'est quoi le hassan? Hadith hassan? C'est pas pareil, c'est le sahih. En réalité, le hadith, min haythul kaboul wal rad, il y a un qismou la qismain. Ce qui est maqboul, accepté, et ce qui est mardoud, qui est rejeté. Le kaboul est en dedans, le sahih et le hassan. Le da'if, lui, il est dans le mardoud. Après, il y a des chourouts. Il se peut qu'il y a taqawab avec d'autres, après, il devient hassan irélihi. Fahim, t'aïl zalika. Lakin, c'est quoi le fort entre le sahih et le hassan? En fait, il se peut qu'ils sont pas tous tiqas, ils sont plus forts dans le. C'est khifat ad-dabt. Ils sont moins précis. Voilà. C'est-à-dire sa précision du rawi. Il se peut que j'en ai un seul dans le sanad. Salen, t'as que des siqat. Et t'en as un juste, il est, salen, sadouk. Ala istilah ba'd al-hadith. T'en as pour qui sadouk, c'est siqat. Après, il faut connaître les terminologies des ulama. Mais juste, il y a un des rapporteurs, il n'a pas une précision aussi aiguisée que d'autres. On va dire que le hadith, là, il est hassan. Mais tu as des ulémas comme l'imam Bukhari, eux, ils mettent le hassan dans le sahih. Tout ensemble. Pendant, ils ne font pas de taksim. L'un des premiers à faire le taksim, c'est Tirmidhi. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas de différence entre les rawis, les rapporteurs. Mais ils vont dire pour eux, c'est maqboul. Après, tu as des hadiths sahih, certaines sont aqwa min ghayriha. Même dans le sahih, tu en as certains qui sont encore plus forts que d'autres. Et l'a'la martaba ma hiya. Là, je parle de siha, d'authenticité. C'est lequel les plus authentiques? Al-Mutafaqun alayhi. Après, Bukhari. Après, Muslim. Après, Makana Shart Tihima. La Shart Tihima. Après, la Shart Bukhari, après la Shart Muslim. Ailleurs, c'est-à-dire même les sahih, ils ont des maratib. Ils ne sont pas tous similaires. Non. Et après le da'if, c'est ce qui est en dessous du hassan, qui ne regroupe ni les conditions du sahih, ni du hassan. Et après le da'if, il y a tafawat, t'as le da'if shadid, t'as le da'if yani khafif. Et quand plusieurs ahadiths da'ifa, khafifa, t'as jtamiya, t'as même que t'as s'il est martabat, le hassan est ghayrihi. Mathalan. On va s'arrêter là, parce que le reste, ça, c'est sirat al-ada. هذا ان شاء الله يستغنى عنه ان شاء الله ما الرسك هناك هو جوست الاخبار على باس بلس لي يعني رند مصطلح بن بارتي سورتو لا فان اون با دير لو ديبي فوالا فهمت هذا فنكتفي به اليوم ونقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك